texte en guise de lettre. Car tu ne te fais qu'à mon paraître. Tous tes amis me laissent en traître. Donc tu n'essaies même pas de me connaître. Je serai ton Roméo, oh, oh, oh. Tu n'auras pas qu'une expérience. J'abandonne ce qui te fait, oh, oh, oh. T'en prie, fais-moi confiance. Il aura des valets, oh, oh, oh. Ça c'est une évidence. Mais écoute plutôt ton cœur. Je t'en prie, laisse-moi une chance. Faut pas les écouter, ce qu'ils disent est faux. Donne-moi le temps de trouver les mots. Sans pas l'écouter, je ferai ce qu'il faut. Près de toi, près de toi, près de toi, de toi, mais tes mots. Je suis dingue de cette nana là, la la la, la la la. Je suis dingue de cette nana là, mais elle ne l'entend pas. Je suis dingue de cette nana là, la la la, la la la. Je suis dingue de cette nana là, mais elle ne l'entend pas. Et puis je réalise, je l'idéalise. Tout mon cœur, elle en a la. N'ayez pas de méprise, je suis sous son emprise. Elle est ma raison d'être, elle est mon obsession. Faut pas les écouter, ce qu'ils disent est faux. Donne-moi, donne-moi, donne-moi le temps de trouver les mots. Sois pas l'écouter, je ferai ce qu'il faut. Près de toi, près de toi, près de toi, je soignerai tes mots. Laisse-moi t'aimer, je le ferai comme personne. Je te comblerai de mille et une couronnes. Il semblerait qu'à toi je m'aime.